corde, empathique. Pilote d'un vécu bancal, je pensais redresser la barre. Tu penses que le sud change, mec? La même merde là-bas, la frappe de la marre n'empêche pas de finir au sol. J'accumule les blessures que l'État referme au sel. Ton regard oscille, direct, ça part en coup de coude. Vois trop de couples couler pour croire au coup de foudre. Rap coupe fin, car tu réalité. Nous sommes ces orphelins que la France aurait allaité. J'ai à l'idée que ce couplet va couler de l'encre. Hardcore comme ce gosse qui fait couler le sang. Ça kiffe l'alcool et le son, jeunesse d'en bas. Les parents oublient que la jeunesse en bave parle en barre. Car le respect se compte en kilos dans ce monde de pute. Ma confiance va à mon stylo, c'est stylé. Pourtant, on s'y fait à la longue. Incorrupt, ici l'argent ne formate pas ma langue. Je me pose et observe une génération perdue. Le mal perdure, m'en sortir, je trouve ça hyper dur. Dites-moi, qu'en est-il pour nos futurs bambins? Pays merveilleux, où même Alice plantera Bambi. Bambi, Bambi. Le temps s'écoule, pourtant le même thème. Les mêmes MC arborant les mêmes termes. Les mêmes verbes qui changeront avec le décor. Ça écoute les textes et pourtant personne ne décode. Le temps s'écoule, pourtant les mêmes thèmes. Les mêmes MC arborant les mêmes termes. Les mêmes verbes qui changeront avec le décor. Ça écoute les textes et pourtant personne ne décode. Ça reste agaçant, se dire qu'on ne peut rien faire ici. Alors j'écris pour poser ma pierre à l'édifice. Mon père m'a bien dit, fils, tu réussiras. Mais qui de nous peut se dire, c'est le rap, c'est simple. Tourne en rond comme une putain de toupie. Car pour guérir la France, faut un putain de toubib. On me dira, tu te plains alors que t'as tout. Vive l'Europe qui fait que nos cités deviennent des tâteaux. Le paysage change, transforme nos champs en bidonville. Paris cité lumière, bienvenue à Silent Hill. Phrasé accidentel, tu penses sans doute s'enfonce. Sache que l'ambition prime, car un gosse sans but s'enfonce. Le temps s'écoule, pourtant le même thème. Les mêmes MC arborant les mêmes termes. Les mêmes verbes qui changeront avec le décor. Ça écoute les textes. Et pourtant personne ne décode, le temps s'écoule. Pourtant les mêmes thèmes, les mêmes MC arborant les mêmes termes. Les mêmes verbes qui changeront avec le décor. Ça écoute les textes et pourtant...